Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ma sœur, tu as connu beaucoup d'épreuves ces derniers mois. C'est dur pour toi, mais j'aimerais te dire que tu dois tenir bon parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Les grandes bénédictions sont précédées parfois de grandes épreuves. Oui, si tu as une attitude d'humilité, une attitude positive, tu verras, le Seigneur va te relever. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Tiens bon, demeure dans la prière parce que c'est en Jésus que tu vas triompher. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Matthieu chapitre 1, 1 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Nous allons lire notre passage d'aujourd'hui, Matthieu 1, 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fille de David, fille d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra des Tamar, Parès et Zara. Parès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon et la femme de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatan. Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Achim. Achim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité concerne la personne de Jésus. Ce passage nous révèle l'humanité de Jésus qui est prouvée par la généalogie. Il y a des gens, quand vous lisez un tel passage, vous vous posez la question, mais est-ce que ce passage, ça m'intéresse? On ne fait que citer des noms, mais il y a une leçon. Jésus-Christ, il était à la fois Dieu, mais à la fois homme. Mais ce passage nous permet de comprendre ce côté humanité de Jésus-Christ. Parce qu'un homme devait avoir une généalogie, c'est-à-dire on pouvait identifier sur le plan humain qu'il était issu de telle tribu. Comme il était juif, on pouvait savoir sa tribu, on pouvait savoir ses parents, on pouvait savoir ses grands-parents, ses ancêtres. Vous voyez, c'est ce que ça nous montre. Le verset 1 commence par « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Vous voyez, Matthieu c'est quelqu'un dont l'évangile était plus destiné aux juifs. Or, les juifs ne croyez pas que Jésus était le Messie. C'est pourquoi Matthieu commence par démontrer que dans sa généalogie, Jésus-Christ, il était donc le fils d'Abraham. Abraham, c'est une figure. Tous les Juifs se reconnaissent comme étant les fils d'Abraham. C'est une référence. Le peuple élu de Dieu. Et il cite David. David aussi, c'est un nom que tous les Juifs reconnaissent. C'est lui le type même de Messie. Vous voyez, le roi David. C'est pourquoi Jésus lui-même va être appelé plus tard le rejeton de David. Donc quand on cite Abraham, on cite David, donc c'est pour démontrer qu'il était juif, c'est pour démontrer son humanité. La Bible dit que Jésus est devenu semblable à nous. Il s'est fait homme, c'est pour s'identifier à nous, c'est pour venir nous sauver, pour venir nous comprendre dans nos problèmes, dans nos situations. Deuxième vérité, nous ne devons pas renier nos racines, quelle que soit notre généalogie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a des gens parfois qui ont honte. Oh, dans ma famille, comme il y a des sorciers, comme il y a ceux qui sont des idolâtres, j'ai honte de... Non, mon ami, tu n'as pas besoin de renier tes racines. Chacun de nous est né d'une famille où il peut avoir des adultères, où dans la lignée familiale, il peut avoir des drogués, il peut avoir même des prostituées, il peut avoir des sorciers. Nous ne devons pas renier nos racines. Mais ce n'est pas à cause de notre passé, du passé de nos parents que Dieu ne peut pas nous utiliser. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Lorsque tu te sens un peu comme... Tu as honte de toi-même ou bien tu n'arrives pas à accepter ta famille parce qu'on t'a dit que ta maman s'est prostituée. Non, mon ami, ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quand nous voyons la généalogie de Jésus, lui qui est devenu le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dans cette généalogie, il y a des noms qu'on cite ici. Parfois, on peut se demander, ah bon, donc celui-là aussi était ancêtre de Jésus. Prenons quelques noms, par exemple. On nous cite... L'union entre Judas et Tamar. C'était comme l'inceste, vous voyez. On dit au verset 3, Judas engendra de Tamar, Parès et Zara. Nous connaissons comment cette histoire s'est déroulée. C'est une histoire honteuse. On nous cite également comme ancêtre Boaz. On dit Boaz était issu de l'union entre un certain Salmon et Rahab. Nous connaissons tous, Rahab était la prostituée qui était dans la ville de Jéricho. Et c'est elle qui a reçu les espions que Josué avait envoyés. Mais elle est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Au verset 5, il dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Et c'est Boaz qui engendra Obed de Ruth, vous voyez. On nous cite encore Salomon qui était issu de l'union entre David et la femme d'Uri Bercheba. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. David a pris la femme d'autrui. C'était Bercheba, la femme d'Uri. Et pire encore, il a tué son mari pour prendre sa femme. Et c'est de cette union qu'est né Salomon. Salomon est cité parmi les ancêtres de Jésus. Et on nous dit encore que ces ancêtres-là, c'est-à-dire les Judéens, la tribu de laquelle est sorti Jésus, a été déporté en Babylone pendant 70 ans. Parce que Jésus, il est de la tribu de Judas. Ses ancêtres ont connu tout ça. C'était des gens qui connaissaient Dieu. Mais à cause de leur idolâtrie, de leur désobéissance, ils ont été déportés en captivité à Babylone. Mais malgré toutes ces choses-là, Dieu a choisi Jésus, qu'il naisse de la tribu de Judas, qu'il devienne homme pour nous sauver, et qu'il meure sous la croix de Golgotha, et qu'il ressuscite, et qu'il devienne le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vais donc te dire, que Dieu ne tient pas compte de ton passé ou du passé de ta famille ou de ta généalogie pour te choisir ou pour te bénir. Accepte ta famille, accepte ton village, accepte tes grands-parents. Dieu a permis que malgré ce qu'ils étaient, tu naisses de là. Mais tu es comme une étoile que Dieu a fait sortir de cette famille pour se glorifier. Troisième vérité, Jésus avait Marie comme mère et Joseph comme père nourricier. Mais celui, le Christ, vous voyez, il est dit ici au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Vous savez, le mot Christ veut dire loin, le Messie. Et déjà, Matthieu veut montrer ici que ce Jésus-là, malgré sa naissance humaine, il est né pour venir nous sauver, mais celui le Christ, le sauveur de l'humanité, le Messie que tous les Juifs attendaient, le Messie de toute l'humanité, Ô bien-aimé dans le Seigneur, quand nous reconnaissons cela, ce que nous devons faire, c'est de croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas encore un autre Christ. Il n'y a pas encore un autre Sauveur. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Si Jésus est le Christ, notre responsabilité c'est de placer notre foi en lui, de croire en lui. C'est lui qui est capable de résoudre tous nos problèmes. Alléluia! Quelle grâce d'avoir ce Messie Jésus-Christ. Nous allons le glorifier, nous allons l'adorer en chantant ce cantique. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je veux te chanter Seigneur. Alléluia, oui Jésus est mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, alléluia, alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons le bénir. Celui que Dieu nous a donné, qui est venu sur cette terre, qui est venu naître pour nous sauver, qui est venu pour nous délivrer. C'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Élevons nos voix, bénissons son nom. La force dans la prière. sois glorifié, Seigneur Jésus. Toi, le Fils de Dieu, tu es le Dieu vivant. Tu t'es fait homme pour nous sauver. Tu t'es identifié à nous afin de mieux nous parler. Oh, sois béni, Jésus. Sois magnifié. Toi, le Christ, le Messie, en dehors de toi, il n'y a point de salut. Tu es notre Sauveur. Tu as accepté de prendre notre place afin que nous soyons sauvés. Nous te bénissons, Jésus. Toi qui n'as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs, nous bénissons ton nom de ce que en toi nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec toi. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Que nous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous avez téléchargé l'application Fréquence Vie pour Android, vous pouvez nous envoyer des témoignages par des photos ou des vidéos pour montrer ce que Dieu fait dans votre vie à travers OSB. Matthieu 1, 1 à 17, c'est notre texte du jour. Ce passage atteste l'humanité de Jésus. Il était le fils de David, le fils d'Abraham. C'est pour montrer qu'il avait des racines juives. Oh, nous allons dire merci au Seigneur. Lui qui nous a donné Jésus-Christ. Lui qui est né sur cette terre. Il est venu comme un homme pour nous sauver, pour nous racheter du péché. Nous allons prier pour que nous puissions réellement croire en lui. Si dans votre vie, il y a un parent, un ami qui ne connaît pas encore Jésus, tu vas prier pour lui, pour que Dieu puisse se révéler à lui. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, qu'il est doux et agréable d'invoquer ton nom chaque matin. C'est avec joie, ô Père éternel, que nous reconnaissons tous tes bienfaits. C'est avec joie, ô Père éternel, que nous exprimons notre reconnaissance pour toutes les grandes choses que tu as faites dans notre vie. Nous étions dans les ténèbres, nous étions pécheurs, nous étions entraînés par le train de ce monde, nous étions liés par les œuvres des ténèbres, mais dans ta bonté, par ton amour, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir pour nous, prendre sur lui nos péchés et restaurer la communion avec toi. C'est pourquoi ce matin nous te disons merci. Nous prions au Père éternel. Nous disons merci pour Jésus-Christ qui est venu. Jésus-Christ qui est venu comme homme. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Il s'est dépouillé de sa splendeur, de tous ses honneurs pour venir comme homme, vivre avec nous et accomplir le plan que tu avais prévu pour lui. Enlever le péché du monde. Le péché est venu dans le monde par un homme. Et il fallait un homme pour l'enlever. Et tu as fait venir Jésus-Christ. Merci pour avoir rabaissé ton fils afin qu'il puisse être humain comme nous et prendre nos péchés. Et nous saisissons l'opportunité ce matin pour prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos proches, pour nos collègues, pour nos amis qui ne connaissent pas véritablement Jésus. Nous prions, Père éternel, et nous demandons que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux et qu'ils puissent découvrir la gloire qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ et qu'ils le reçoivent à la gloire de ton nom. Merci pour toutes choses, ô Père éternel. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. nous venons de voir que quel que soit notre passé, quelle que soit notre généalogie, quelle que soit la famille de laquelle nous sommes issus, nos parents, nos grands-parents, Dieu est capable de nous utiliser. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Nous venons de voir la généalogie de Jésus. Il y avait des idolâtres, il y avait des prostituées, il y avait des gens qui ont commis toutes sortes d'actes abominables. Mais le Seigneur a choisi Jésus-Christ comme sauveur. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta famille. Prions pour tous ceux qui n'arrivent pas à s'accepter à cause de l'environnement familial. Afin qu'ils comprennent que Dieu a un plan merveilleux pour leur vie. Quel que soit ce que tu vois dans ta famille, si tu vois il y a des défauts, il y a des défaillances, prie pour ta famille et accepte cette famille de laquelle tu es né au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi, celui qui nous a rachetés à un grand prix. Nous n'avons rien demandé, tu es mort pour nous sauver, pour nous libérer. Quelle que soit la famille à laquelle nous appartenons, ce qui a été commis, ce qui a été pratiqué, ce qui a été fait, les alliances qui ont été scellées. Tu as dit dans ta parole, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et tu es venu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subissait contre nous. Et tu as éliminé en le clouant à la croix. Et tu as dépouillé les dominations, les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Nous croyons au pouvoir de cette parole, que ce qui a été fait n'a aucun effet sur nos vies. Gloire à toi parce que désormais, nous sommes enfants de Dieu. Tu es venu purifier, laver, effacer totalement nos péchés. Nous te rendons toute la gloire. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que te louer, te magnifier, t'acclamer, t'exalter, te psalmodier, nous agenouiller devant toi, nous incliner pour reconnaître ta seigneurie. Et nous a fait ce que tu nous demandes de faire en comptant sur toi. Accompagne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore, qui le rejettent comme le peuple juif. Nous allons prier également pour tous ceux qui adorent encore des idoles. Nous allons prier pour nos frères juifs qui ne reconnaissent pas encore Jésus comme le Christ, comme le Messie. Et pourtant, c'est Israël qui nous a donné Jésus. Pensons à eux. Prions pour eux, afin que Dieu se révèle à eux. Prions également pour tous ceux qui encore adorent les idoles, des masques, tous ceux qui se tournent vers le soleil et la lune, afin que Dieu se révèle et se manifeste à eux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin encore, je viens à toi. Je crie à toi parce que tu es un bon père. Tu nous as libérés, tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Tu as versé ton sang pour nous justifier. Quand nous péchons et que nous nous repentons, nous abandonnons nos péchés. Tu nous reprends, tu nous repositionnes, tu nous mets sur le chemin de la vérité, sur ta parole. Et aujourd'hui encore, beaucoup ont l'intelligence obscurcie. Beaucoup sont encore dans les ténèbres. Beaucoup marchent selon les désirs de leurs pensées, marchent selon la convoitise de ce siècle, dans l'incertitude. Beaucoup ne savent pas qui ils sont et ils adorent la créature. La Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Au verset 18, « Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. » Seigneur, beaucoup de parents, de personnes qui vivent parmi nous, marchent selon ces choses. Aie pitié, sanctifie-nous, relève-nous. Même Israël qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth marche selon les pensées de ce monde. Aie pitié, relève-les. Tu as un plan de repentance pour eux. Tu as un plan de délivrance. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons qu'une multitude soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Oui, envoie ton esprit pour briser le voile, annuler les œuvres de péché dans nos cœurs. Et donne-nous de marcher comme des enfants dignes de ton nom, à la gloire de ton nom, en te respectant, en respectant la parole, en vivant selon ta foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que ce dimanche 26, nous aurons au CPE, dans le cas de bonheur conjugal, notre rencontre de célibataires. Thème, la guérison des blessures intérieures suite. L'entrée est libre. Premier service, 16h. Deuxième, 18h. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.